chaussettes Gucci, le jean Gucci, les chaussures Gucci, le slip Léon Boldo, petit parfum, petite voiture de luxe. Volubile, original, au rime authentique. Aye. Mystérieux comme le fond de l'océan Atlantique. J'ai siroté 6 mojitos, je refuse de conduire. Protégez-vous, y'a qu'un pas du coup de foudre à l'hépatite. Tiens ta petite, Bico, tu vois que ti. Au distributeur, tu sais même pas combien tu retires. La musique m'attire, cortège à la poutine. Deep and ice dans la limousine, tu vois ce que je veux dire. On a rangé les parabellums, elles veulent un bel homme. Elles peuvent compter sur ice, la cambrure de Maloca n'est pas dans les normes. Son boulet est énorme, il t'a figé sur place. Perroquet sous cocaine, girafe dans la piscine. C'est le projet ice, space cake dans la cuisine. Une vie de SLR, on se rit, on se pleure, on se vit, on se meurt en tirant l'air au Uzi. C'est Rail Suprême sur Skyrock. J'ai le swag, swag, swag, swag, Jack Cerise. Le jardinier s'est endormi dans le fond du parking. J'ai le snap, snap, snap, snap, chat story. XV Barbar me rejoindra dans la partie. Les voisins pètent, les plombs, la soirée n'a pas commencé. N'ayez pas de retard, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. C'est le projet Ice Beach, obligation de danser. On a sorti les Panamera, c'est la Macarena. Jusqu'à la mañana, profite-en Maloca, le prince de Panamera. J'suis pas dans les rails, mais gusta marijuana. J'descends d'hélicoptère, j'monte dans la limousine. C'est un cocktail, cette année j'suis dans les magazines. Une vie de hustler, on se rit, on se pleure, on se vit, on se meurt en tirant l'air au Uzi. Yeah yeah Biko, c'est Heist MC sur Skyrock. Enfin, je dis ça, je suis pas artiste, hein. Je bois du café Arabica. Et d'ailleurs, Ice, pourquoi t'as toujours ce drapeau de l'Algérie ce soir? Hein? Et pourquoi t'as la coque d'iPhone de l'Algérie? Faut arrêter, hein. On est en France, putain. Au secours, Jeanne. Au yeah, secours. Les locos, les locas. Pour tous les gangsters fiers. Un bon été à tous les gangsters fiers. Pour placer celle, médic comme Anouni. Muni de ma calage, prémédite le murder. Ma jolie, t'as les yeux de la même couleur que ma Moni. Annie, mais je mets pas le compte en banque à Birdman. Tu te donnes en deux minutes si je sors le bolil. J'ai le dos tourné, mais je sais que tu me regardes. Je t'emmène à l'Holiday Inn, goûte à mon insomnie. Le lendemain, je monte avec mes potes à menage. J'arrive dans le carré VIP, all eyes on me. Je lève mon verre à mes amours et mes ennemis. Annie, je ne dormirai pas cette nuit. Je ne dormirai pas cette nuit. Je voulais viser la lune avant de monter la colline. Je fais ma route comme un homme, je me fous que les gens parlent. Un cocktail, si n'arrache ton fun tel, je te prendrai comme tel, comme t'aimes. Tu seras dans mon top 10. Ok, pas de balade en hélicoptère. Non, laissons brûler le feu de la passion, rien de presse. No stress, je laisserai pas les autres bigots de plaire. Je suis ton prince charmant, je te ramène en 6.3. La street fait de nous des troubles, faites courtois. Toutefois, je me demande encore pourquoi tu me crois fou. Loca, je suis juste fou de toi. J'ai les mains faites pour l'or, donc elles sont faites pour toi. Vas-y, rends-moi loco, comme à loca. Rends-moi loco, comme à loca. Rends-moi loco, comme à loca. Loca, danse pour Mr. Vida Loca. Comme un local, danse pour Mr. Vinaloca. Loca, toute ma High Slam team. Algérie, Maroc, Tunisie. France, Belgique, Suisse, Canada. Aïe aïe aïe. Yeah, un freestyle pour tous mes locaux, toutes mes locas. C'est cadeau pour vous. C'est le retour du Bico Loco. Yeah, yeah. Trop fort pour noyer mon anxiété dans les sédatifs, j'ai dû patienter. Car d'après ce que m'a dit le temps, tout est relatif. Je suis dans la musique, j'ai quelques dispositions natives. N'attends pas d'être séropositif pour apprendre que l'amour est dans le préservatif. Dans tout excédé, tu fais le thug, mais quand fausse débaisse, tu perds ton franc, toi tu fais la belle. Check mes phrases ont de l'efficace. Si tu sur ton corps, j'ai mon propre label. Je vois l'argent sale sans taille, c'est dans mon coffre fort. Et si tu savais comme un être humain peut changer de visage pour un peu de confort, c'est la société de consommation qui nous hisse vers les arrivants. Jette cette date, t'es un bon vivant, mais l'affaire tu ressembles à un mort vivant. Le regard glacé, je porte bien mon nom comme les enfoirés, je reviens plus puissant. RTV, j'arrive comme RD, je te rafale ta race en GP 800. Y'a plus de hip hop, y'a que des hits, y'a que de la coke, des putes et de la pop illimité. J'ai des beats, toujours récit peu des villes, venez vite, vite, vite. C'est dans la 3 portes, je pète Ben, j'ai Jumpy Joyce, Bagwell, Karim Ivan, Alexandre McQueen. Toi, je sais pas ce que tu me baragouines, on dirait que ta pute sort d'un baragouine. Bitch. Yeah, yeah, Biko, c'est High Slam C sur Skyrock, Bagdad. Yeah, yeah. On est dans les times, t'es déjà. Avec DJ Case. Yeah. Il s'abreuve à mon flow, mon aura laisse un parfum de soir orageux. C'est rageux sans vertu, juge un livre par sa couverture. Ma culture serait moyenâgeuse, car assure le majeur 44 à la ceinture, on sentir, j'assume ce poids comme un rageul. Comme un rageul, comme un rageul. Dites à ces fils de pute que je suis dans le jeu. Jeannette à long talent, tu es sans maréchal Ferrand. J'attasse tous les siens errants sur la voie ferrée. Je les ai déjà flairés, les voix déjà sombrées dans mon indifférence. Vois-tu, toi et moi c'est quand tu veux. Biko, tu parles beaucoup. On a grillé tous les feux. XV, barbare, barbecue. La mère team, je chante, 11-43, quelques litres de chanvre. Je suis sur les champs, 20 bouteilles de champ, elle se demande pourquoi je suis si méchant. Je suis éméché, fallait pas me chercher depuis que j'ai percé. J'ai grave, j'ai chant, depuis que j'ai touché ce putain de gros que j'ai. Je tape dans la salade après la légende. Je suis un enfant du Sahara, je traverse les tempêtes de sable. Hachemia Wild Kahba, t'as donné ton bête de sable. Un empereur en Versace sous le soleil de Versailles. Avec ou sans universal, je serai dans mon universal. Je serai dans mon universal. Avec ou sans universal, je serai dans mon universal. Est-ce que mes locaux sont encore prêts? Yeah, yeah. Je réanime le rap game au défibrillateur, grimpe dans la Cooper bitch. Je défile les délateurs, prestigie, dictateur, arrogant, générique. Énervé dans le square en discord, calibré sous un ciel sans étoiles. T'as dénoncé ma squad pour qui toi les vrais picots disent que c'était toi. Je connais pas le désarroi, j'ai fait partie des rois sans effroi, je les froisse. J'ai grandi dans des trois cas, je descale mes ennemis, s'attendent au tête à tête quand je les croise. Philosophie cartésienne, si le PJ demande après moi, carpe diem. L'attitude est parisienne, j'ai fait rouler du jaune à trama norvégienne. Ferme la curva, tape, y'a ta cocaïne sur la table. J'ai le mental d'Ali, la pointe, l'arabe vous attaque. Ferme la coulva, tape, y'a ta cocaïne sur la table. J'ai le mental d'Ali, la pointe, l'arabe vous attaque. Biatch. High Slam C, en direct de Skyrock. Yeah, Case. C'est ça ou pas? Yeah. Ok, pas bien. Yeah, yeah, c'est bon. Just on record. Ice. Comme il se doit, mon Biko Case. À Paris, Paris, NYC. Algérie, yeah, yeah, Biko, c'est High Slam C sur Skyrock. Je suis en vrai, bitch, happy birthday. 1, 2, 3, 4, day de Monday. Les lèvres de ma loca ont un coup de feu. Elle est prête à twerker toute la nuit pour mon oseille. J'ai la folie des grandeurs, je suis VIP. Je suis fou de ses rondeurs, je la pose au champagne. Je mets le fire sur la gasoline à papy. Ce soir, qui sortira plus de bouteilles. Don't care, don't care. Je m'exprime comme on me garantit. Je me demande ce que tu fous dans ma soirée. Fais la belle, moi j'ai le bras assez long pour gifler tes fesses depuis mon carré. Une étrange mélodie me vient dans la tête et je ne peux m'arrêter de danser. Mon micro, j'en oublie mes blessures. Ma présence te rassure, bien sûr, j'assure. J'suis sur la côte en vert et azur. J'oublie pas mes racines. Des Z, algérien, j'ai le drapeau facile. Des Z, j'attends pas que le bonheur me fascine. Mon parcours les fascine. J'oublie pas mes racines. Algérien, j'ai le drapeau facile. Et j'ai jamais raté ma cible. Bitch, triangle d'or assassine. Pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. Yes, we continue on. Mise la vida loca, vida loca, vida loca. Baby, prends dans le coupé. ou faux. Paris, Oran, New York. XV par Paris. XV par Paris. Chaque jour. Skyrock, Rail Suprême. Pas jamais dit dans le bendo. Accélération, crochet, petit pont à la Eto. Centre de mes ciseaux de la part de LESO. Hey, ça vient tout droit de PSO. Tu peux même pas te retourner, savoir qui te baisse. Oh là, j'ai ta mère la pute en texto. Elle m'a demandé si dans mes pattes je veux du pesto. Poto, la faute le veto. Si tu veux monter haut, si tu veux pas la pâme et le gâteau. Hey, chaque jour tu refais. La check d'art est mise au frais. Les stupes me suivent, cette bitch me suit tout simplement parce que je suis plein. Au gros micro, c'est poulet de swag. Bon appétit. Je suis dans la scène cuite, je taffe le crack. Pour ta bitch, elle tire sur la bouteille de crack. J'ai les couilles vides, mais le chargeur est plein. 9 mêlées, 6,35, il en reste un. Il en reste un. Des fois je me sape, en filet plein. L'OEV, Gucci, ma garde un rappel plein. Pas trop bavard, c'était la taille, y'a mon gava. Soir ce c'est la java. Rien à faire, j'quitte la majes. Au corner y'a l'IS en cachet. J'suis chez ton con à la Jonquière. Le moins cher du schéma, on l'achète. XV Barbarie, le feu dans tout Paris. Y'a l'eau, c'est Paris. Solo, Casso, Ferrari. C'est Rail Suprême. Skyrock. Comme recommande Rémi, Victoria's Secret, le boudin de Sunny, dans style illicite. Quand tu m'envoies des photos, je zoome sur tes fesses. Je suis avec mes potos. Rame toutes les tigresses. Fais pas ta Beyoncé. J'ai pas le compte à Carter. Tu vas finir poncé. Je ne dure pas qu'un quart d'heure. J'aime quand tu danses ta Zumba. Genre t'es de Sao Paulo. Mais mon pote Yarumba pense que t'es une Joroto. Le ramadan est fini. Tu peux refaire ta folle. Enchaîner les garetti et les bouteilles d'alcool. Champagne. J'te paye un jean Philippe plein. Mais ma chérie, faut le remplir. Si t'as le corps d'un Philippin, pas un oro, j'vais sortir. Au pire, il me reste mes mains. Et des photos de Rihanna. Quelques rouleaux de Sopala. Et j'suis à Punta Cana. Ok. On y va. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs avec Fred pour une heure de mix de folie. C'est Rail Suprême sur Skyrock. C'est mon malin, pas abusé. C'est mon malin, pas abusé. Même vous mettez. jamais sans mes potos. Ce soir c'est mort, on fait la fête. Poto, vas-y doucement sur la tige. Ce soir je claque mon oseille. Soir ce, on fait croquer les frères. Je vois des groupies qui nous repèrent. Normal, c'est parce qu'on a son seul préfère. Je vois des fans qui pètent des photos. Vas-y, faut que t'attendes la séance, c'est trop tôt. Laisse-moi profiter de la soirée. Je pète un petit coup, je me casse en moto. On va tous te choquer. Je sais même pas si mes potes sont bloqués. Tous les numéros sont notés. Dans ces tours la night. Jamais sans la famille. Jamais sans les potos. On est plus que des amis. Toute la night. Jamais sans la famille. Jamais sans les potos. On est plus que des amis. Jamais sans mes potos. Mes potos c'est la famille, tu connais. Y'a pas de galère. Et si c'est le cas, on arrive illico. Presto, un petit tour au resto. On oublie le ghetto. C'est chaud ce soir, c'est le feu. On a gagné le meilleur pari au poker. Ce soir c'est nous sur la piste. On arrive avec un petit pas de mollo. Et nos gosses sont pleines, pleines, pleines. S'il te plaît, n'aie pas la haine, haine. Pourquoi tu la ramènes? Jamais sans ma famille Pico. On est plus que des amis. Salut la famille, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs avec Fred pour une heure de mix de folie. C'est Rail Suprême sur Skyrock. C'est au calme. La fille à la manigance. Ah ouais.

C'est Rail Suprême sur Skyrock.

red line. J'ai le swag, swag, swag, swag, Jack Cerise. Le jardinier s'est endormi dans le fond du parking. J'ai le snap, snap, snap, snap, chat story. XV Barbar me rejoindra dans la partie. Les voisins pètent, les plans, la soirée n'a pas commencé. N'ayez pas de retard, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. C'est le projet High Speed, obligation de danser. On est sorti des Panamera, c'est la Macarena. Jusqu'à la Maniana, profite en Maloca, le prince de Panamera. J'suis pas dans les rails, mais Gustavo Marijuana. J'descends d'hélicoptère, j'monte dans la limousine. C'est un cocktail, cette année j'suis dans les magazines. Une vie de SLR, on se rit, on se pleure, on se vit, on se meurt en tirant les usines. Je bois du café arabica. Et d'ailleurs, Aïs, pourquoi t'as toujours ce drapeau de l'Algérie ce soir? Hein? Et pourquoi t'as la coque téléphone de l'Algérie? Faut arrêter, hein? On est en France, putain! Au secours, Jeanne! Au secours! Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs avec Fred pour une heure de mix de folie. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Ça dit rien, frère, et toi? Bah, moi, je vais au Maroc, hein. Toi, tu vas où? Ah, ouais, moi, je vais en Algérie, en Kabylie, tu connais. Ah, ouais, mais attends, y'a un problème là. On traîne toute l'année ensemble, on va faire comment? Ah, ouais, tu sais quoi? Viens, on va en Tunisie. Vas-y, vas-y, lourd. Mais attends, là, y'a un deuxième problème là. T'as de l'argent pour l'essence? DJ Case. Ah, ouais, mais c'est la haze, gros, j'ai que 10 euros. Quoi? Bah, attends. Aïe, aïe, aïe, aïe. Paris, Warren, NYC. الجاهلية مشاوي ناس وهران جوسكا كاسا بلانكا Algérien, j'ai le drapeau facile. Skyrock, High Supreme. C'est DJ Case, DJ Case. Validé. Gros KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Tropico à la main, calé sous les palmiers. C'est pas des Marocains. Elle s'appelle Inde. Elle aime pas la funk, pourtant she got a thing. Au but c'est les notes tu mais qu'est-ce que tu crois là je vais faire la vie. Paris, Oran, New York, c'est nouveau. Paris, Oran, New York sur Skyrock. J'suis trop fraise. Le 15 juin dans les bacs sur iTunes partout. Télécharge DJ K. Magnum. J'suis trop frais, j'ai pas le temps. Je vis que la maille. DJ Case n'a pas le temps. Il vit que la maille. Par moi, Div, j'ai pas le temps. On vit que la maille. J'viens de loin et j'ai pas le temps. Je vis que la maille. Yeah, resto, Frank Chic, Jolico, Prestige, Nightclub, French Kiss, Carré VIP. L'album, bientôt, Parigo, Quinfri. J'suis tellement dans le futur que quand je te parle, tu comprends 10 jours après. Je change de flow comme de chaussettes, préviens-la, j'suis une pile du Raphaël. Excitant, j'suis tentant, hésitant. Que la night. Si tu me trompes, tu vas casquer comme le gros exclu. J'ai la joie de vivre camoussé dans ma résidence. Même avec une tronche éclatée, j'suis un dream vivant. C'est le son de la malasse. Pas de belle sable, Hugo, tu n'es pas dans le move. Ta meuf t'a quitté pour une belle table. On s'en bat les couilles et les rousses. Ça nous tise et pas le mise. Hashtag Rail Suprême. De ma cage, je m'esquive une cotille. Chaîne classe, élégant, dream pens. Chaîne classe, élégant, dream pens. De la malasse, que tu te rends malade. C'est le son de la malasse, que tu te rends malade. C'est le son. Casse-d'aide au pom-pom girl. Thank you. mixe tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock. Un poudre

يا حبيبتي فريدة وسامة أيمن جوستن ريكورد Fatigué, oh. Toutes les filles me disaient, oh, on ne peut s'empêcher avec toi. اعشق فيك يا العربية بنت بلادي وكي تفهمني وغالي عليا غير واحي معايا عمري يا عيني يا بيت تكون حدايا شيري مدابيا انا نبغيك ونعشق فيك يا العربية بنت بلادي وكي تفهمني وغالي عليا غير واحي معايا عمري يا عيني يا بيت تكون حدايا شيري مدابيا شاب On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. I'm

and R&B non-stop. Non-stop. Skyrock. Tu m'as trahi, mais je vois que par toi, baby.